salut Charline. Voilà, aujourd'hui on a un invité sérieux. Bah, comme hier. Bah oui, elle était super mardi la longueur. Bah oui, elle était super, on a chanté Maggie, tout ça, on a rigolé. Enfin aujourd'hui c'est un journaliste, c'est un sujet sérieux. C'est ça qui est chouette dans l'émission, pouvoir faire du contenu un jour, chanter Maggie le lendemain. Moi je préfère quand on chante Maggie. Oui, alors rassure-toi, c'est pas pour le contenu qu'on t'avait engagé. Oui, bah alors c'est quoi le sujet sérieux là? C'est Charlie Hebdo. Ah bah ils auraient été contents, Charlie Hebdo, d'être considéré comme un sujet sérieux. Et c'est qui l'invité? Ah, c'est Denis Robert. Ils sont deux. Mais non, il est seul. Ah bah alors c'est Denis ou c'est Robert? Oh, vous m'énervez. Bon, là, pas pour le sujet là. Allez, si on parlait de James Bond. Oui, du sérieux. Et bah il y a un article de Slate sur l'évolution de la politique de terrain. Oh, ça c'est bien. Oui, bah oui, on va se marrer. Allez, pas pour le sujet 2. Ah, il y a Jean-Louis Borloo l'Africain. Bah non, non, non. Ah bah si, c'est un très beau sujet. Oui, mais c'est pas sérieux. Mais si, mais non, Jean-Louis Borloo, il est pas africain, c'est pas sérieux. Ça se verrait, c'est africain. Mais non, c'est un sujet plus profond, parce qu'en fait, Jean-Louis Borloo travaille depuis de nombreux mois sur un projet d'électricité. Je sais même pas pourquoi je prends le temps de vous expliquer. Bon, c'est ça, donc aujourd'hui, on va servir à rien. Mais non, pas à rien. Ah, oui. Mais presque. Hein, quand il faut faire les guignols avec Marthe Villalonga, on est content de nous avoir. Bah ouais, mais... là, aujourd'hui, elle veut faire sa Christine Ocrette. Oui, nous recevons pour parler de Charlie Hebdo, monsieur Patrick Michel. Denis Robert. Oui, pareil. Soit Denis Robert. Bon, tu sais quoi, Charline? Très bien. On n'avait pas compris, on n'avait pas mesuré. Moi, je sais comment on va l'accueillir. Ah, bah voilà, je préfère ça. Les jours changent, l'invité change, la couleur de l'émission change. Normal, tu as raison. Okay. Et donc, quand il va arriver, Guillaume et moi, on va chanter Denis. Et puis, il y a des choses qui ne changeront jamais. Et on chante rien pour Robert? Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui met en scène l'actualité et voici les trois informations qu'on va envoyer chez Lucette jusqu'à 18h. Aller à la rencontre des Français, se rendre sur le terrain, les ficelles sont devenues trop grosses, cette publicité politique ne paye plus, sauf à l'employer avec parcimonie pour éviter de se répéter. Je dis c'est loin mais c'est beau, hein. Je disais c'est loin mais c'est beau. Il parvient à créer un débat consensuel à l'Assemblée nationale, il arrive même à mettre les Verts d'accord entre eux. Ce miracle s'appelle Jean-Louis Borloo. Grâce à son projet d'électrification du continent africain, il détient le secret de la concorde politique. Faut régler ça par le dialogue, à l'amiable, tranquille. On se réunit autour d'un apéro, puis on boit. Les Snowden et Assange du Vatican ont été arrêtés. Ils ont fait fuiter des documents sur les gabegies dans l'entourage du pape. Les frais de la curie grignotent même l'obol prévu pour les indigents. Monsieur le curé est venu parce qu'il a eu une vilaine tornade. Et monsieur le curé désirait une petite aide financière. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui est coiffé comme un enfant de cœur. C'est Alex Vizari. Et ce n'est pas entièrement faux aujourd'hui. Bonjour Charline Vanhoenacker. Aujourd'hui, belle équipe autour de la table. 17h20. Il est de retour. Et il a passé deux semaines à lire Kierkegaard, à lire Barthes, à écouter Jonathan Serrada. Il est donc prêt à revenir nous faire croire que les chanteurs de la Nouvelle Star sont des philosophes. C'est André Maloukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. Vous ça m'avez va tout manqué. Bien passé, mais nous aussi. Ouais, ça va. J'ai fait une enquête profonde au Brésil. Très bien. De quoi on va parler? Et alors, on va parler d'une chanteuse formidable qui s'appelle Indra Rio. Je recommence. Ah oui. Les vacances, non, c'est pas bon. Direct, elle s'appelle Indra Rios Moore. Indra, c'est un prénom indien. Rios, c'est portoricain. Moore, c'est anglais. James Bond. Mais son père était d'origine syrienne. Voilà. Une chanteuse comme on mais adore. Mais rien n'a changé. La chronique, c'est tout exactement à l'heure. C'est... Ça, on n'a pas déplacé. Non, parce que c'est vachement... Oui, à 17h30, notre enquêteur de pointe, celui qui ferait passer le Watergate pour une petite enquête de stagiaire de 3e, la fierté de sa profession, même si les autres membres de la profession n'en sont pas toujours si fiers que ça, c'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi, je me suis rendu ce matin à la conférence de presse de l'Union française des industries pétrolières. Alors j'étais très très inquiet, mais son président m'a rassuré. Nous, on va contribuer en tant que pétrolier, on va contribuer à la protection du climat, à la baisse de la consommation. Ouf, ils sont écolos. On est sauvés les amis. Ça va être un scoop. Et à 17h40, celle dont les soirées sont aussi improbables que ses choix littéraires, la junkie du marque-page, c'est Juliette Arnaud. Bonjour. Bonjour, et ben moi je vais avoir l'heure et l'avantage de vous parler du livre de Denis Robert Mohican. Très bien, qui est notre invité? Eh ben, j'espère que c'est lui, parce que sinon ça tombe mal. On est mal. Eh oui, c'est le référent de la République du jour. Vous êtes né sous René Coty, ça fait vintage comme ça, mais c'est pas si loin. Vous intégrez le journal Libération en 83, quand Klaus Barbie intègre, lui, la prison de Lyon. Ah oui. Vous révélez l'affaire Clearstream dans un livre intitulé Révélation, justement en 2001, l'année du premier forum social mondial à Porto Alegre, au Brésil. Vous réalisez un documentaire sur Cavana, jusqu'à l'ultime seconde, j'écrirai, en 2015. Tiens, c'est l'année où Claire Chazal est virée du 20h de TF1, c'est toujours dur. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire. Philippe Val. Ah non, je confonds les deux toujours. Vous êtes Denis Robert. Ah oui, voilà, vous êtes Denis Robert. C'est ça, coup de peau. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Voilà, Denis Robert sur France Inter, ça fait du bien de vous recevoir. Vous étiez un peu tricard ces derniers temps. J'étais, ouais, très tricard. Je crois que c'est la deuxième fois que je reviens, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Vous publiez, Denis Robert, Mohican, un récit publié chez Julliard, qui paraît aujourd'hui. Aujourd'hui. Et qui s'arrache déjà, paraît-il. Si je devais résumer vos 300 pages en un élément, je l'ai choisi, c'est un peu arbitraire, mais c'est Cavana, le fondateur avec Choron de Charlie Hebdo, d'Arakiri bien sûr. Cavana qui, pour Charlie, touchait finalement 0,44% des recettes du journal. Vous savez, j'ai failli l'appeler comme ça le bouquin. Je trouvais ça tellement édifiant et tellement incroyable que Cavana, qui a fondé, enfin, quand on sait qui il est, dans Charlie Hebdo, il n'était plus rien, quoi. Et à la fin, on lui a filé 0,44%. Qu'il continuait aussi à écrire. Il était pigiste, quoi. Il avait besoin de ça pour vivre. Et il était dans un journal qu'il avait fondé, créé, porté. Il s'était battu contre la censure. Et on l'a mis comme ça dans un placard. Et on lui a filé un moment 0,44%. Parce que, effectivement, vous le dites et vous l'expliquez très bien dans ce livre, dans un récit qui retrace l'histoire de Harakiri, de Charlie, la rencontre avec Choron, etc. Puis toutes les péripéties. Il y a quand même une histoire de linge sale en famille. Oui, et on y reviendra avec Juliette Arnaud tout à l'heure. C'est l'histoire aussi du fondateur et, comme vous dites, de celui qui s'est battu pour, parce que le journal a été arrêté plein de fois, et pour le relancer, il fallait mouiller le maillot de façon très courageuse. Le déclic est venu pour moi, parce que j'avais pas envie d'écrire un livre, c'est fatigant d'écrire des livres, je suis plutôt paresseux. Et en fait, c'est quand je faisais mon film et j'interview Delfeuille Dotton, qui fait partie des Mohicans, des originaux qui ont lancé tout ça. Et je comprenais pas pourquoi Cavana avait été si passif publiquement au moment de l'éviction de ciné et tout ça. Et ça, c'est, comme j'aime beaucoup Cavana, ça me troublait, quoi. Et c'est là où Delfeuille me dit, je vais te dire un scoop, et il me raconte l'histoire des 0,44%. Donc je pouvais imaginer beaucoup de choses de ces gens-là. Je pense à Philippe Val et à Malka ou d'autres. Mais c'est Malka qui est l'avocat de Charlie Hebdo. Mais je n'avais pas imaginé qu'ils poussaient le vice jusque-là. Quoi. Oui, ce que vous racontez, votre récit, votre vision des choses, et ce que vous expliquez, et qui est une enquête, donc c'est très très bien documenté. Il y a aussi votre regard, parce que vous êtes très impliqué. Vous connaissez pas mal d'historiques, vous avez des amitiés, etc. Donc il y a un équilibre entre le document et la précision journalistique. J'essaie d'être juste, le juste de justesse, pas celui de justice. Oui, vous l'expliquez. Voilà, c'est très important de leur donner la parole. Et puis, il y a des choses que je comprends pas, et c'est pas parce que j'aime pas ces gens-là, c'est vrai que je les aime pas, que je peux pas écrire posément sur... J'essaie d'être très factuel et d'être... l'amitié que j'avais pour Cavana, pas l'admiration, c'était quelqu'un de profondément attachant, j'essaie de le gommer pour pouvoir écrire d'une manière assez froide et rationnelle sur cette histoire. Oui, entre la précision chirurgicale du journaliste d'investigation, avec toutes les notes de bas de page qui tout est sourcé, et les passages où c'est vous qui parlez et qui mettez votre cœur aussi, parce qu'il y a de ça. J'ai ressenti chez vous, en lisant le livre aussi, le côté idéaliste et de la pureté des choses, c'est-à-dire vraiment les fondateurs, Cavana, Choron. Vous citez les idéaux de Cavana qui sont écrits noir sur blanc. Et on en est loin à la fin du livre. Il a fait un codicil un moment, quand Val lui a capté Charlie Hebdo, il avait tellement pas confiance qu'il a fait comme une sorte de testament dans lequel il a dit... parce qu'en fait, il louait le titre Charlie Hebdo. C'était lui toujours le propriétaire. Aujourd'hui, ses héritiers sont les propriétaires. Et il avait pas confiance. Donc, il avait mis comme dans un testament, des choses, il faudra que vous soyez antiraciste, il avait toute une gamme de choses, d'ailleurs qui sont pas toujours respectées, quoi. Et ce qui a été le déclic, c'est évidemment les événements de janvier aussi, quand j'ai vu apparaître à l'écran un certain nombre de gens qui avaient des larmes de crocodile et qui racontaient une histoire de Charlie Hebdo qui n'était pas celle que je connaissais, quoi. Et vous racontez aussi l'originel, bien sûr, depuis les tout débuts. Justement, j'allais vous demander, Denis Robert, il manque l'épilogue. Il y a un moment, quand le livre s'achève, finalement, il n'y a pas l'après Charlie. Il y a une raison précise. Non, mais c'est parce que l'après attentat du 11 janvier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu interroger ces gens-là, principalement Philippe Val et Richard Malka, et qu'ils n'avaient pas envie qu'on se voie, j'avoue que ce n'était pas avec grand plaisir que j'allais les voir. Donc, je leur ai fait une lettre recommandée avec un certain nombre de questions. Et la réponse que j'ai eu des courriers d'avocats, des choses comme ça. Mais il y a une lettre qui est arrivée à la maison mère de mon éditeur, qui s'appelle Editis. Et cette lettre était signé de Georges Kijman au nom de Valé Malka, demandant en gros l'interdiction du livre. Enfin, c'était pas dit comme ça, mais disant voilà, votre client va faire un truc diffamatoire, etc. Et dans mon épilogue, je raconte ça et d'autres choses. J'explique toutes les pressions, puisqu'il y a eu des pressions de malades sur la fin du livre, des témoins qui ont été visités. Il y a eu vraiment des choses. Et je raconte ça dans l'épilogue. Et là, l'épilogue, bon, le service juridique d'Editis m'a demandé de virer le passage sur un truc. Et j'ai dit, ben, dans ce cas, on vire complètement l'épilogue. Donc, c'est effectivement une forme de censure. J'en souffre pas particulièrement. Ce qui compte, l'essentiel du livre, 99% du livre, vous l'avez entre les mains. Et mais c'est un hommage à Cavana. C'est à la fois un hommage à Cavana, mais c'était aussi la nécessité de, je pense que le temps, évidemment, la douleur est toujours présente après les attentats, donc je suis toujours dans ce truc, mais il y avait, j'aurais dit ça il y a 6 mois, c'était pas audible. Aujourd'hui, je pense qu'on peut tranquillement parler de ça, essayer, j'amène des éléments factuels, et je pense que c'était important que les gens, puisque Charlie est devenu une marque planétaire, c'est aussi ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'était important de dire d'où vient Charlie. Jusqu'à Madonna. Effectivement. Denis Robert, donc, et les 0,44% de recettes du journal que touchait Cavana. Je tiens à dire aussi que c'est le temps d'antenne qu'a accordé France 2 le soir de la mort de Cavana. Et comme ça m'avait choqué, à Cavana, le jour de sa mort, une petite brève en fin de journal sur le service public. Mais il a été oublié, comme voilà. Choron a été oublié. Ouais. Donc c'était important. Denis Robert, Mohican, ça paraît chez Julliard. On est avec vous jusqu'à 18h. Denis Robert, on va revenir tout à l'heure sur les livres avec Juliette Arnaud, entre autres sujets d'actualité. Et Blagounette, bien sûr, vous êtes en la Blagounette. Son, give me your number now. It's a what's your number? I don't answer. It's a what's your number, man? I don't answer. It's a what's your number now? It's a what's your number now? I say, hey, 54 46, that's my number. Pour 46, That's My Number sur France Inter, c'est Toots and the Maytals. Tout c'est moins anglais. Excusez-moi. Je suis un standard. Bah oui, bah bien sûr. Programmé par Djoubaka. Bien sûr, et autour de la table, dans l'ordre d'apparition, André Manoukian, Guillaume Meurice qui s'est rencontré les pétroliers. Oui, ça oui, risque oui, d'être amusant. Et Juliette Arnaud qui va parler du livre de notre invité. Et oui, le livre de Denis Robert, Mohican, paru chez Julliard, qui raconte l'histoire de Charlie et comment c'est devenu une entreprise capitalistique du tout. Marque, à un moment, une marque, voilà. Place à l'information subjective oui. À cette heure-ci, attention. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Nicolas Sarkozy était ce matin l'invité de la matinale d'RTL et c'est tout à fait cohérent quand on veut faire de la pub d'aller sur une chaîne privée. Frédéric Cuvillier, candidat PS dans le Nord-Pas-de-Calais, a poussé la chansonnette contre Marine Le Pen et étonnamment, il n'a pas choisi l'aigle noir. On écoutera un extrait. Et puis des brèves, mais ça, il faut le dire vite. Nicolas Sarkozy était donc l'invité spécial de la matinale de nos confrères d'RTL. Oui, et il a notamment été confronté au difficile exercice des questions d'auditeurs. Et on imagine que les auditeurs ont été triés sur le volet pour le mettre en difficulté, bien sûr. Bien sûr, écoutez celle-ci, Rosemonde de Nice. Bonjour Rosemonde, Nicolas Sarkozy vous écoute. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Rosemonde. Je fais partie des Républicains, je suis une Sarkozyste de la première heure et je voulais vous remercier d'avoir été un grand président et je voulais vous dire aussi heureusement que vous étiez là en 2008. Voilà, c'était pas un bon exemple. Non, mais non, ça, c'est pas une question. Non, mais je vous connais, vous avez fait preuve de mauvaise foi. Je suis certain qu'ils ont alterné à RTL. Oui, bon, l'équilibre. Bah, écoutez, vous savez quoi, on va écouter celui qui était juste après et on verra. Quoi. Maintenant, c'est Arnoul qui vous pose une question. Il nous appelle de Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Bonjour Arnoul. Bonjour Yves Calvi, bonjour Monsieur le Président. Bonjour Arnoul. Bonjour, merci pour tout ce que vous avez fait. Oui, alors c'est pas un bon exemple non plus, mais... Non, écoutez, notre RTL a beaucoup d'auditeurs Sarkozy. Oui, et voilà. Des auditeurs au prénom ridicule, Arnould et Rosemonde. Non mais il s'est dit quand même quelque chose sur le fond. Bien sûr, il s'est dit cette phrase choc, car il en a marre, Nicolas, que la gauche dise que tout ce qui va mal, c'est à cause de lui. Puis-je rappeler, aimablement, républicainement parlant, du micro de RTL à François Hollande, Monsieur le Président, c'est vous le président, ce n'est plus moi. Bam. Pour l'instant. Oh pour l'instant. Oh est-ce que ce pour l'instant ne vous fait pas penser à quelque chose? Et à quoi? À ça. C'est tout pour le moment. Ah la voix dans Secret Story. Sarkozy piquerait des effets de voix de Secret Story ou... Enfin, en tout cas, c'est confondant, écoutez ouais. Ça. Ici la voix, monsieur le président, c'est vous le président, ce n'est plus moi. Pour l'instant. C'est tout. Confondant. En effet, passons à gauche avec Frédéric Cuvillier, la tête de liste PS dans le Pas-de-Calais. Oui, il a décidé de tout mettre en œuvre pour combattre le Front National. Avec, j'imagine, des arguments, un programme, des discours forts. Non, avec une chanson. Ah, très bien, d'accord. Oui, bah, je vous offre bien sûr un extrait. Non, sans vous donner un bref cours de ch'ti avant. D'un saint château de Saint-Cloud, ça veut dire dans son château de Saint-Cloud. Écoutez musique. Ma place pour l'extrême droite et sa pensée étroite, notre histoire s'est émise, partagée. D'un saint château de Saint-Cloud, elle dit penser à nous, nous on s'équivoquait. Mais nous, qui est en train de quand le Rennes monte, voyez, c'est bon. J'ai honte, elle a changé j'ai honte. Voilà, Frédéric. Eh oui, oui, oui. Bon, voilà. Voilà. J'en étais où genre, oui, hein, à The Voice, je pense que les coachs ne se seraient pas retournés. Oui, s'ils sont un vrai mélomane, les électeurs FN ne se retournent pas non plus. C'est hein, tout voilà. Le problème. Passons à la santé avec une grande nouvelle annoncée hier par Marisol Touraine. Les homosexuels auront le droit de participer à des dons de sang dès le printemps 2016 et elle se félicite en disant « c'est la fin d'un tabou et d'une discrimination ». Alors, il y a juste une petite condition pour le don de sang total. Il sera ouvert aux hommes qui n'auront pas eu de relations homosexuelles depuis 12 mois. Ah bon ? Mais oui, bah donc c'est un choix extrêmement difficile. 12 mois de sexualité ou une piqûre pour faire un petit don de sang. Voilà. Sans transition, on passe au sport. Karim oui. Benzema a été placé en garde à vue ce matin dans l'affaire de la sextape de Valbuena. Oui, alors j'espère que dans sa cellule, on va lui laisser une savonnette et un caméscope. Il pourra donc en faire une autre de sextape et puis éventuellement faire un don de sang dans un an. Attention. Et on termine par des brèves. Oui, elle s'étouffe avec une knacky ball et survit. Ses parents remercient Dieu. Voilà. En 2012, une petite fille a failli mourir en avalant ses knacky balls. Convaincue du miracle, ses parents souhaitent une reconnaissance de ce miracle par le Vatican. Oui, et bah donc elle est catholique, hein, parce que chez les musulmans et chez les juifs, manger un knacky ball, ça tient plus du blasphème que du miracle. Et on termine par cette information, États-Unis laisse sa fille de 5 ans avec une arme, le temps de s'avaler un hamburger. Voilà, et on ne le rappellera jamais assez, c'est extrêmement dangereux de manger des hamburgers, c'est cancérigène. Voilà, 17h26, c'était la fin du journal de presse. Que 17h17, on s'en rend compte toujours avec Denis Robert. Ça, c'est, ça, ça impressionne le journaliste d'investigation que vous êtes. Je suis fasciné. Vous êtes avec nous jusqu'à... Que du factuel, attention. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h, alors on en profite, Denis Robert, premier sujet. Quand un homme politique passe ses journées à aller à la rencontre des Français, eh ben, ça sent le roussi. Ça veut dire qu'il se sent coupé des réalités. Mais l'essaim de journalistes qui l'accompagnent, j'ai pas dit l'abcès, j'ai dit l'essaim, qui l'accompagne torpille la rencontre. D'après Slate.fr, François Hollande n'a pourtant pas encore battu le record de déplacement du maître en la matière. Salut les bougeux, on vient passer deux jours chez vous. J'y crois pas, ça pue ici. The Simple Life saison 5. Plus fort que Paris Hilton et Nicole Richie, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. On devait rester deux jours, mais on peut pas parce que... Bah, en fait, parce que ça pue, que c'est ça les consoles. The Simple Life saison 5, la plus trash de toutes. Les guignols de l'info quand Canal était encore Canal. Alors, la dernière visite de terrain de François Hollande a fait beaucoup d'émules, Denis Robert. Elle s'est passée pas loin de chez vous. C'est ça. En Moselle. Trois bornes de chez moi. Ah ouais, tout. Mais je l'ai pas vue. Ouais. Alors, sinon, je l'aurais invité. Ça m'a frappé parce que vous qui habitez dans ce coin-là, qui êtes tout près de ça, et en même temps à mille lieues de ce type de journalisme, qui est un journalisme de suivisme, que les journalistes qui suivent aussi critiquent eux-mêmes, mais ils n'ont parfois pas le choix. Ah, mais c'était pas fait pour les journalistes, la visite de Lucette. Non, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Non, alors, je me disais, un bon communicant politique, est-ce que c'est pas quand même celui qui s'efface et dont on ne voit presque pas le travail? Parce que là, ces derniers temps, c'est à ce point raté qu'on parle plus des communicants. Et d'ailleurs, il y a le communicant principal de François Hollande qui s'appelle Gaspard Ganzer, qui devient presque un people. Oui, c'est ça. Ouais. Non, c'est assez troublant. Je voudrais avoir votre œil là-dessus. Non, mais j'ai surtout remarqué que la pauvre dame, elle a été obligée d'aller vivre chez sa fille ou je sais pas quoi parce qu'elle était trop ah oui, emmerdée elle par tout ça. Elle a été harcelée. Non, mais c'est triste de voir que François Hollande, 30 ans après Giscard et les éboueurs, il reproduit un peu le même truc. S'il espère gagner des électeurs avec ça, je pense qu'il se plante complètement. Manifestement, quoi. Ça ne marche pas. C'est un article de Slate.fr d'un journaliste qui s'appelle Éric Dupin et qui analyse la chose et qui explique que ça n'a pas fait pour autant remonter la courbe de popularité de François Hollande alors qu'il se prête beaucoup à cet exercice d'aller sur le terrain. Non, mais alors que cet exercice-là, il est fini finalement. Moi, je le connais un petit peu. Enfin, je connais son entourage et tout. Et c'est un mec plutôt sociable. Enfin, qui arrive, contrairement à Sarkozy, par exemple, qui quand il est avec des gens, il y a un malaise, etc. Hollande, il est plutôt, il boit des coups, il discute, il est plutôt. Mais donc là, il a ce tropisme pour aller vers les gens. Je crois que c'est vrai. Contrairement à ce qu'avait écrit Valérie Trierweiler. Enfin, je pense. Hein, c'est mon truc. Il a cette empathie pour les gens. Après. Ils n'ont fait rien du tout au niveau de sa politique, c'est autre chose. Mais là, qui se prête à ce genre de truc, je trouve que c'est une erreur de casting. Oui, c'est dingue, parce que s'il a cette empathie et qu'elle est empêchée par la forêt de micros, le mur de caméras, etc., il y a finalement le humble et le puissant, le président et le peuple. Non, mais ça montre à quel point il est un peu paumé en ce moment, qu'il essaie de se raccrocher à tous les trucs, et il lui manque une boussole, quoi, quelque chose. Donc voilà, il tente tout, quoi. Alors, il y a un homme autour de cette table qui essaye de nous paumer en musique. Denis Robert. C'est André Manoukian. Il lui manque une boussole. Il lui manque une boussole. Boussole, c'est le dernier livre de Mathias Sénard que je reçois ce soir. L'enregistrement de Partons en Live. C'est le mec est à la pointe. Mais donc, venez à la maison de la radio. Exactement. Je crois que c'est un peu complet. Mais bon, c'est pas grave. Excusez-nous. Plaisir, André. La boussole pour trouver son chemin musical. Allez, une fois n'est pas coutume aujourd'hui, c'est une soprano qui me fait transpirer de la moustache. Je parle pas de la fille d'un mafioso, Alex, mais du qualificatif vocal qui désigne les filles qui chantent haut. Moi, d'habitude, c'est les filles qui chantent avec la voix grave qui me font bref. Bach, Jean-Sébastien, dans ses cantates, il attribuait la voix de Dieu au baryton, la voix des hommes la plus basse, la voix de Jésus au ténor, la voix de Marie à l'alto et la voix des anges au soprano. Notre ange du jour s'appelle Indra Rose Rios Moore. Sa maman est portoricaine, son père un bassiste de jazz d'origine syrienne, Donald Moore. Vous voyez tout ce qu'on rate avec tous ces Syriens qui sont seulement en transit chez nous, tant pis pour nous, c'est d'autres qui en profiteront. Bon, donc Indra, qui porte en passant le nom du dieu hindou de la foudre, Zeus version Tandoori si vous préférez, a grandi dans un des quartiers les plus difficiles de New York. Elle est passionnée de chant depuis toujours, sa mère l'inscrit au casting de... La Manes School of Music, le conservatoire le plus pointu de New York, du lourd, où les auditions sont plus que difficiles. Mais il y avait Benjamin Castaldi quand même ou pas ? Ça suffit, Guillaume. Elle est prise, Dieu, donc ça veut dire qu'elle a une sorte d'excellence, elle va pouvoir développer sa technique de soprane. Je parle pas du saxophone soprano là, hein, je parle de sa voix, mais puisque vous me faites parler du saxophone, Alex, c'est un saxophoniste danois qui va la tirer du bar de Brooklyn où elle était serveuse. Parce que c'est ça à New York, il y a un nombre de musiciens diplômés et talentueux incroyables, bah, ils font Joel Taxi pour vivre. Le statut d'intermittent du spectacle, ça n'existe pas là-bas. Au contraire, pour jouer, il faut payer sa carte de syndicat et ça coûte une blinde. Revenons au Danemark. Oui. Donc, notre saxophoniste danois épouse Indra, il la ramène au Danemark. Ils font un groupe de jazz qui cartonne, ils ont des Grammys. Un territoire nouveau que s'il est quitté. C'est assez de... Deleuze. Je suis content. Donc, Indra ne sonne jamais tant comme une chanteuse de Brooklyn que lorsqu'elle est exilée au pays de Lullebrod. Lullebrod, c'est de la bouillie de pain de seigle à la bière. Bien sûr. Bon, toujours est-il que l'Europe est souvent au jazzmen ce que la Terre était à Hercule. À son contact, ils se régénèrent, leurs forces sont décuplées, ils peuvent repartir à l'assaut du monde. C'est ce que fait Indra, qui a peut-être assez soupé du Grølankål. Ça, c'est du chou frisé nordique en soupe et à l'étuvée. Ouais, Alex, je bosse. Bah ouais, c'est beaucoup d'infos. C'est avec ces vaillants vikings que notre petite sirène porto-syrienne s'en va enregistrer à New York. Je résume, elle chante du jazz, mais elle a une voix de soprane, ça nous rappelle qui ? Eh ben Joni Mitchell, bien sûr. Et qui on va voir ? Eh ben son producteur, le grand, le seul, l'unique, Larry Klein. J'en avais un sur deux quand même. Le boulot d'un producteur, c'est capital, c'est celui qui maîtrise le son. Larry Klein est le meilleur en jazz. Il a commencé comme contrebassiste et patatras, un peu comme votre serviteur. Sur sa route, il rencontre la figure mythologique de la chanteuse. Il joue avec la sublime folkeuse la plus jazz de la côte ouest, Joni Mitchell, et le voilà tombé du côté féminin de la force. Il va ensuite produire Carmen McRae, Herbie Hancock, Bobby McFerrin, Madeleine Peru, Mélodie Gardot, Tracy Chapman. Autrement dit, voilà un monsieur qui sait parler aux femmes et qui sait les enregistrer. Ce qui fait la qualité de son travail, Charline, c'est qu'on ne l'entend pas. C'est ce que vous disiez à propos des communicants politiques. Il ne faut pas que le travail se voit pour que ça soit bien. Pas d'arrangement surpeuplé, pas d'extravagance sonore, l'essence pure de la musique et surtout un gros son énorme et acoustique jamais gonflé aux hormones. Et ça, c'est très difficile à faire. Presque autant que le Hey Blackfest au Clipfish, encore un plat danois. Ça, c'est de la friture de pommes et de lard avec de la morue séchée. Indra Rios Moore, on va l'entendre nous chanter Little Black Train, une vieille chanson de Woody Guthrie. Woody Guthrie, ce chanteur engagé des années 30. Allez, c'est parti. That little black train is coming. Get all of your business right. You better set your house in order. Thank you.

Parce que là, on parle quand même d'un peuple qui a comme passion le rodéo et Katy Perry. Hein. Un peuple qui a peut-être 20 ans d'avance sur nous, mais qui a surtout 20 kilos d'avance par personne et par cuisse. Un peuple qui a en partie dit oui au gaz de schiste, même si cette extraction pose quand même pas mal de problèmes. Encore que, il paraît que c'est rien que des bêtises, n'est-ce pas Francis ? Non, il y a eu quelques problèmes dans le passé, mais je crois que c'est terminé, ils contrôlent vraiment leur procédé. Avec le gaz de schiste, il n'y a plus de problème par exemple ? En ce moment, c'est complètement sous contrôle. Hein. Sinon, les Américains ne le laisseraient pas faire. Vous croyez que le président Obama, il laisserait faire ? Vous pensez mais... que les Américains ne font jamais d'erreurs ? Si, mais on en fait tout. Écoutez, ça va ! Qui n'a jamais défoncé des nappes phréatiques par mégarde ? Quoi ? Qui n'a jamais empoisonné les sols par inadvertance ? Qui n'a jamais foutu en l'air les plus beaux paysages de son pays sans faire exprès ? Soyez pas de mauvaise foi, enfin. Il faut sortir de cette bien-pensance. Il faut être optimiste. Sinon, on reste bloqué dans le passé. Tiens, démonstration avec Francis. Le problème principal du préfet de police en 1870, c'était l'accumulation de crottins de cheval dans les rues de Paris. Puis la voiture thermique est arrivée. Alors moi, par contre, je fais confiance aux ingénieurs au futur pour... Tout ça va changer. Il y a des tas de trucs qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Ah, donc ça va changer. Donc le pétrole, c'est pas l'avenir du tout, alors Tout dépend de comment vous définissez l'avenir. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Alors, si on définit l'avenir par toutes les choses qui sont déjà passées, bah là, on est bon. Alors, on peut dire que le pétrole est une vraie énergie d'avenir. Hein. Du coup, c'est important de bien se mettre d'accord sur les termes, vous voyez. Parce que, bon, c'est vrai, on le sait, bientôt, il n'y aura plus de pétrole. Et moi, ça m'angoisse. Ça m'angoisse parce que ça veut dire que le lobby du pétrole sera ruiné. Et voilà, j'en ai parlé directement à Francis. Bon, ça veut dire que là, dans 100 ans, si ça se trouve, on ne se verra pas dans un hôtel particulier, mais au Flunch. Je vous l'ai dit, les grands pétroliers se convertissent. Ils vont dans le solaire, ils vont dans les algues, ils font autre chose. Oui, ce qu'ils aiment, c'est l'argent, c'est pas forcément le pétrole. Non, mais là, vous abordez le problème de la société capitaliste, alors là, c'est un vaste débat. Pour l'instant, le système est tel que si vous êtes dans un domaine donné, quel qu'il soit, et vous faites plus d'argent... Bah, vous mourrez. Et bah, voilà. Et si vous êtes dans l'industrie du pétrole, bah, non seulement vous mourrez, mais comme vous êtes altruiste et que vous avez un cœur, vous aurez pris soin auparavant de faire mourir par asphyxie tous les autres. Merci, Guillaume Meurice. Je vous en prie. Ah, dites donc, on en apprend avec Guillaume. Ah, ouais, grâce à un tweet très sympathique, hashtag annule tout. Elle est vachement rouée, Maud Fontenoy. Point d'interrogation. Qui dit ça sur Twitter ? Prends la lunette. Très bien, merci. Vous êtes sur France Inter avec Denis Robert, mais oui, qui publie Mohican aux éditions Julliard. On va en parler dans quelques minutes avec la chronique de Juliette Arnaud. L'histoire de Charlie depuis Cavana, les origines et Choron jusqu'à Lamarque. Ouais. Comment est-on arrivé là ? Il suffit de lire l'ouvrage. Mais on va passer au deuxième sujet en attendant. Dans ce pays, il existe un homme qui parvient à fédérer les partis sur un projet et qui déclenche un consensus à l'Assemblée. Consensus Assemblée, c'est... Hein voilà, c'est particulier. Et qui réussit même à mettre d'accord entre eux, figurez-vous, tous les Verts, tous. Mais non. Oui, les partis, les pas partis. Ouais. Et c'est pas Nicolas Hulot, c'est Jean-Pierre Borloo et son projet pour l'accès à l'énergie. C'est même Jean-Louis. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est Jean-Pierre, on le connaît pas. Au journal Le Soir où j'ai travaillé pendant des années, il y a un Jean-Pierre Borloo. Je me cours depuis des années. Il ne boit pas une goutte. Jean-Louis Borloo, son projet pour l'accès à l'énergie de toute l'Afrique. C'est pas du rêve ce dont on parle. Les mamans qui vont faire 10, 15 kilomètres cet après-midi pour aller chercher de l'eau, c'est pas du rêve, c'est des réalités. Les jeunes filles qui vont accoucher cette nuit sans lumière, c'est pas du rêve, c'est des réalités. C'est Johnny Clegg de Borloo. Donc hier, Jean-Louis Borloo a reçu une pluie d'éloges à l'Assemblée nationale qui, pour une fois, a donné à voir un débat consensuel. Ça, est-ce que ça veut dire que tout n'est pas perdu et qu'il existe encore aujourd'hui des hommes politiques, même s'il a pris sa retraite, hein, en une certaine manière? Jean-Louis Borloo, ça reste un homme politique qui a réussi à convaincre 54 chefs d'État africains dont un projet est en train d'aboutir avec une vision pour l'humanité. Est-ce que ça vous réconcilie un peu? Elle est amoureuse, hein, par contre, c'est pour ça qu'elle parle. Je trouve ça chouette. Mais je suis comme tout le monde, hein, Borloo, je le trouve sympathique. Je le trouvais moins sympathique qu'avant, mm-hmm. même s'il a toujours eu... Et je crois que ça me fait réfléchir. L'idée, c'est le rapport à la mort. Là, je suis un peu grave, mais c'est-à-dire que je pense qu'il a cette attitude-là aujourd'hui et on a cette empathie pour lui parce qu'il va à l'essentiel et il a failli y passer. Mm-hmm. Donc, il s'est retiré de la politique en avril 2014. Voilà, il était pas loin, mm-hmm. et donc il se dit, si je reviens, faut vraiment que ça vaille le coup, quoi. Et donc il arrive à rassembler tout le monde autour de lui avec quelque chose de visionnaire. Voilà, ouais. Et parce que quand j'écoute les autres politiques, on a l'impression qu'ils sont pas mortels, quoi, et que les mensonges et que tout ça, ils font comme s'ils étaient immortels. Et ça me trouble toujours de voir mourir un homme politique. Et je me dis, je pense à la mort de de Chaban-Delmas, c'est vieux, etc. Je me dis, mais c'est con, si il avait pu imaginer qu'il allait mourir, il aurait fait autre chose. Et François Hollande, je lui souhaite de passer pas loin pour reprendre un peu du poil de la bête et faire vraiment des choses essentielles et arrêter de nous baratiner, quoi. Et c'est vrai que généralement, quand on Marine Le Pen aussi, ouais. Nicolas Sarkozy aussi. Oui, parce que le problème des politiciens, c'est qu'ils ne prennent jamais leur retraite. Alors que quand ils prennent une fois leur retraite, peut-être qu'il y a quand même une vie après. Là, Borloo, c'est frappant, c'est vraiment vision, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pourtant, au Sénat, ils ont cette conscience de la mort. Ils savent que c'est dans 3 semaines. Mais non, justement, parce qu'ils sont trop... Bon, on souhaite du succès pour ce beau projet. Ouais. Et je ne m'attendais pas à un jour me dire, tiens, succès pour Jean-Louis Borloo. C'est quand même fou. Juliette Arnaud, reparlons de l'ouvrage de notre invité, Denis Robert. Oui, et avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se promener dans les bois. Alors écoutez, imprégnez-vous, essayez de vous souvenir de quel film est tiré cette musique. Braveheart. Prec. Denis. Un film récent ou... Assez récent. Bon, personne ne l'a. Camping. Je suis une tristesse. Le dernier des Mohicans. Oui. Ah mais oui. Merci à toute l'équipe en régie. J'ai des repousses petites. Voilà, c'était. On a des boulets. Ah là là. C'était la musique signée Trevor Jones du film de Michael Mann, Le dernier des Mohicans. C'est une musique puissante, émouvante, romanesque pour un monument de la littérature d'aventure, Le dernier des Mohicans, Fenimore Cooper, 1826. Et le titre de Denis Robert, Mohican, n'est évidemment pas choisi au hasard. Et en le lisant, croyez-moi, ça vous poigne. À ceux qui s'interrogent sur le côté pamphlet provocateur, nécessaire ou pas du livre, je réponds que tout est dans le titre. Certes, ce n'est pas un roman, c'est une histoire vraie, mais le souffle est romanesque, romantique, épique. Fenimore Cooper s'émouvait de la fin d'une tribu indienne, Denis Robert de celle d'un duo, celui qui a inventé Harakiri, puis Charlie Hebdo, Georges Bernier, dit le professeur Choron, et François Cavanna, dit le Rital. L'association d'un malin et d'un intelligent, d'un type qui savait vendre des journaux comme Jean-Yves Le Drian vend des avions Rafale, et d'un mec intelligent, ça c'est Cavanna. C'est aussi, lui, le centre du livre. Et dès les premières pages, le ton est donné. Vous faites référence au vers d'Hugo pour décrire Cavanna. Hugo qui est quand même un des chefs de file de l'école romantique. Mon père, ce héros au regard si doux. La figure du père, bien sûr. À partir de là, oui, il y a droit d'inventaire, voire même il y a devoir d'inventaire. Dans ce poème d'Hugo, qui commence par « Mon père, ce héros au regard si doux », c'est un poème qui s'appelle « Après la bataille », le père d'Hugo est sur un terrain de bataille, d'une bataille qu'il vient de gagner. Il y a un soldat qui est en train de mourir, un soldat ennemi. Il se penche pour lui tendre un peu d'eau, parce que le blessé réclame à boire. Et le blessé essaye de le tuer, salaud de traître. Et pourtant, le père d'Hugo lui donne quand même à boire. Et ça, c'est le seul reproche que vous faites à Cavanna. Trop de mansuétude, pas de goût pour la ruse, pas pour les affaires, pour la gestion ou le pouvoir. Le frisson de l'aventure est là aussi, puisque ce duo entreprend l'aventure d'Arakiri dès 1960, bravant la censure et l'idiotie naphtalinée de l'époque. Un exemple édifiant, parmi toutes les lettres reçues, il y a un lettre d'un commandant à la retraite qui écrit « Vous vous croyez malin ? Eh ben, vous êtes très bête. Et non seulement vous êtes bête, mais vous êtes bête et méchant. Merci, monsieur. Le professeur Choron avait trouvé la catchline du canard, Harakiri, le journal bête et méchant. Épique aussi, parce que comme dans toute aventure, il y a des trahisons, il y a des traîtres, et puis la fin de l'histoire, elle est triste, forcément. Le roman de Fenimore Cooper finit avec ces mots, et cependant, avant que la nuit soit venue, j'ai vécu pour voir le dernier guerrier de l'antique race des Mohicans. Denis Robert, je le cite, s'étonne, s'indigne. Il s'adresse directement aux deux Mohicans morts à présent. Il dit « Comment des amis, des complices de 30 ans ont-ils pu se perdre ainsi au bout du chemin ? Chirac à Balladur, je comprends, ils faisaient de la politique. Mais vous, vous faisiez des journaux. Vous étiez les Lennon et McCartney de la Free Press. » Sauf que Lennon et McCartney, à la fin, eux aussi, ils étaient fâchés. Et lorsque John Lennon est assassiné, il laisse Paul McCartney avec des regrets terribles. Enfin, le propre du roman d'aventure, c'est aussi sa lumière, sa vision par-delà les nuages. Et elle est là, la lumière, dans Mohican, elle est disséminée un peu de partout, à la fin notamment, avec des mots de Cavanna quasi testamentaires, je le cite, « Mais les 25 ans merveilleux, les 25 ans tout au long desquels ces gars formidables étaient mes amis, pendant lesquels ils m'aimaient et je les aimais, l'éblouissement de ces 25 années dans ma vie, en plein milieu, on ne me les volera pas. Allez, salut. » Ben moi je dis comme au poker, pas mieux. Allez, salut. Merci Juliette Arnaud. Oui, merci, on en a des frissons. C'est vrai, pour ceux qui adorent le Charlie des origines, je pense qu'ils vont trouver leur bonheur dans votre roman. Merci. Enfin votre roman, votre récit non, plutôt. C'est très touchant parce que vous êtes mes premiers lecteurs, hein, il sort aujourd'hui donc je l'ai fait pour ça quoi. Non, c'est très agréable, c'est vrai que c'est extrêmement émouvant en fait. Ouais. C'est très bien documenté, mais c'est très émouvant en même temps. Donc, voilà. C'est la première chronique, alors, sur votre ouvrage. Sur France Inter, Denis Robert. Qui l'eût cru. Qui l'eût cru. Allez, troisième sujet avec vous, on se remet. Le Vatican est de nouveau ébranlé. Tiens, un sujet que Cavana et Choron auraient adoré. Le Vatican ébranlé. Deux collaborateurs du Saint-Siège, c'est pas souvent. C'est raffiné. Deux collaborateurs. Mais quoi, oh, écoutez, Charline. Ça va. Mais non, c'est rapport à Parkinson. Ouais, on est choqués. Deux collaborateurs du Saint-Siège chargés d'assainir le fonctionnement de l'État du Vatican ont transmis des documents confidentiels aux journalistes. Ce serait la gabegie à la Curie. Si le pape fait des efforts, eh bien, chez les cardinaux, on se gave. On témoigne de cette visite d'appartement chez l'un des cardinaux. 6000 mètres carrés de jardin, la décoration intérieure est signée Garcia. Je vous propose tout de suite d'aller voir la serre exotique près de la piscine à vagues, qui est un endroit absolument merveilleux. Monsieur Fuchs, vous êtes dans la suite. Claudia Schiffer a dormi ici la semaine dernière. Un extrait des Tuches. Alors, il s'agit d'un prêtre et d'une jeune laïque chargée, qui était chargée d'un audit. Ils ont fait fuiter des documents confidentiels qui ont permis d'alimenter deux livres qui sortent là sur les finances du Vatican. J'ai pensé à vous en lisant l'histoire parce que, alors, ça semble être deux lanceurs d'alerte. Alors, pour l'instant, il y a, l'affaire vient d'être révélée, donc on ne sait pas très bien encore qui sont ces personnes un peu mystérieuses. Cette jeune fille chargée d'un audit qui faisait partie d'une forme de commission qui était là pour assainir les finances de l'État du Vatican. On dirait un peu des lanceurs d'alerte qui filent des documents confidentiels à des journalistes pour une histoire de, voilà, de gros sous Vatican. Le Vatican, c'est un lieu... Pour Clearstream, j'avais enquêté, j'étais allé. Parce qu'il faut savoir qu'au Vatican, il y a un truc qui s'appelle l'IOR, Institut pour les œuvres religieuses. Et ça a été la pompe à finance et à blanchiment de Cosa Nostra, de Ndrangheta, etc. C'était le lieu. C'était tout passé par là et par des boîtes au Luxembourg. Et tout ça a toujours été cadenassé. D'ailleurs, tous les films de Le Parrain, le film de Coppola, se réfère à ça. Et là, on voit qu'avec avec François, là, bon, il m'est sympathique ce pape parce qu'il veut, il a vraiment la volonté forte de faire la lumière là-dessus et de sauver l'Église parce que c'est un lieu de corruption absolument incroyable. Donc c'est je pense qu'on est au début de. Il n'y a pas une possibilité pour que ce soit lui qui soit à l'origine du fuitage. C'est pas, parce c'est que pas ça va dans son sens. Il faudrait aller enquêter. Oui, c'est ça. Oui, en tout cas, on va envoyer Guillaume. Donc, les livres qui doivent sortir, et grâce notamment aux documents de ces deux, pour l'instant, on va les appeler des lanceurs d'alerte, finalement. Hein, ouais. C'est un petit peu dans cette veine-là. Ils expliquent que le pape lui vit dans 50 mètres carrés, mais que les cardinaux, eux, c'est 500 mètres carrés d'appartements. Mais alors, il y a quelque chose d'assez troublant pour ces deux personnes. Hein. Donc, il y a Francesca Immacolata Chauqui, et puis il y a le prêtre qui s'appelle Andrea Valero Balda. Tous les deux ont organisé une réception mondaine de 200 personnes sur la terrasse de la préfecture des affaires économiques du Vatican à l'occasion de la canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII. Il faut bien qu'ils s'amusent, ces gens-là. Ils ont une vie de merde. Bah oui. Donc bon, ça, voilà. Donc même au Vatican, mais il y a un pape, je ne sais plus qui c'est son nom, mais il y a un pape qui est mort d'avoir cherché. Il est resté 23 jours et c'est d'ailleurs dans le film de Coppola, c'est dans Le Parrain 3. Ouais. Et le café au cyanure, c'était pas de la romance, quoi. C'est-à-dire que toucher à ça, c'était vraiment toucher aux intérêts mafieux et on voit bien que c'est très, pour l'instant, la lumière. Non, il vaudrait mieux que le Vatican soit à Avignon à nouveau, pour des raisons évidentes. Denis Robert, c'est le moment où on vous propose, on fait une proposition malheureuse. Je me disais, je vais peut-être y échapper, mais non. Alors, sketch Denis Robert et qui est toujours relié à l'actu. Et aujourd'hui, l'actu, c'est le procès Bettencourt où ce sont des journalistes qui ont été entendus. Les journalistes de Mediapart parce qu'ils avaient. Et du Point. Et du Point parce qu'ils avaient lâché les écoutes, qui est un peu le travail que peut-être le juge aurait pu faire. Alors, comment le juge? C'est vous le juge parce que les journalistes, vous allez me les passer au grill. Ah oui, d'accord, les deux, vous êtes le juge. Les deux journalistes, ce sont Guillaume et Charline. Attention, c'est parti. Bon, j'espère qu'il va être clément. Hein. Ah bah je pense pas, il déteste les journalistes. Ouais. Journaliste, à la barre. Bonjour, oui, bonjour monsieur le juge. Bonjour, bonjour. Oui. Commencez pas à me flatter. Hein. Non, mais vraiment, on vous a juste dit bonjour. Hein, Je vous connais les journalistes, à frotter la manche quand ça vous arrange. Non, c'était juste une marque de respect. Pas de, voilà. Ah, vous savez ce que c'est le respect? Première nouvelle. Pardon. Alors, je vous reproche d'avoir mené une enquête. Non mais, on a juste voulu faire notre travail. Non. C'est notre travail de juge, mener les enquêtes. Ah. Vous êtes des journalistes. Ouais. Vous êtes comme Michel Drucker. Allez interviewer Patrick Fiori. Oui, mais parce que on est des journalistes d'investigation. Très bien, très bien. Ouais. Investiguer. Patrick Fiori, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Nous, on enquête sur la politique, sur la société, voilà. Ah ouais, je vois comme ce fouille merde de Denis Robert. Voilà, c'est comme lui. Vous le connaissez? Ouais, c'est un habitué ici. Samy Nasseri à côté, c'est un enfant de cœur. Vous exagérez là. J'exagère. Vous avez envie de faire de la prison ferme. Non, pardon, excusez-moi. Non, mais écoutez, nos métiers sont complémentaires, monsieur le juge. Et vous êtes complémentaire avec les écrivains aussi? Parce que vous allez sortir un livre, c'est sûr. Bah, le livre, c'est un bon support pour présenter au public les résultats de nos recherches. C'est surtout un bon moyen de faire un max de pognon. Non, c'est pas vrai, on vend pas tant que ça. D'ailleurs, mon prochain livre ne fera pas un carton, mais il est rempli de révélations. Ah bon? Et c'est sur quoi? Ouais, sur les dysfonctionnements de la justice française. Ah, eh bien pour vous, ce serait un non-lieu. Mais attendez, moi, mon livre, ce sera sur les comptes en Suisse des hauts magistrats, voilà. Non, lui aussi. Ah ouais, c'est gentil, merci. Hein, c'est normal, on va se boire un verre entre collègues. Denis Robert dans le rôle du juge. Ouais, ça fait quoi d'être de l'autre côté de la page? Une vocation que j'ai ratée. Vous n'avez pas encore d'ennui pour... Non, mais ils m'en ont promis beaucoup. Quoi. Oui, j'imagine que le service juridique de Julliard a relu, Oui, ça a été vraiment le mois précédent la sortie, ça a été une pression quotidienne et permanente avec des courriers d'avocats. Mmh. C'est un truc assez paradoxal parce que ces gens-là, je pense même à Kijman, l'avocat, Malka, l'avocat Val, que vous connaissez, qui ont fait de la liberté d'expression quand même leur étendard et leur raison d'être et d'exister, dès qu'on les titille un peu et on les emmerde, ils veulent interdire, quoi. Donc c'est pas grave. Mais vous avez le cuir épais pour tout ça, heureusement. Tiens, on rappelle quand même que Philippe Val nous a mis à l'antenne, Alex et moi. Je suis désolé. On le salue cordialement. Non, vous inquiétez pas. Non, attendez. On était ravis de vous recevoir, Denis Robert, sur France Inter. Voilà, merci. Je rappelle Mohican, paru chez Julliard. Voilà, une histoire pour ceux qui aiment le Charlie des origines. Comme nous. Eh oui, c'est dit. Voici le mot de la fin à cette communication politique du terrain, à la rencontre vers les Français qui procédait qu'à trouver un peu ses limites. Je dis c'est loin, mais c'est beau. Comment ça va ? Je disais c'est loin, mais c'est beau.